Exercice 2, page 40. A. Est-ce que tu viens? B. Est-ce que tu viens? C. Tu rentres quand? D. Tu rentres quand? E. Vous allez où? F. Vous allez où? G. Vous prenez quoi? H. Vous prenez quoi ?